Évariste Ndiko Banyanga. Bonjour, chers auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à ce journal de la mi-journée de ce mardi 20 juin 2017. Donc voici d'abord le sommaire. Plus de 144 000 élèves de 9e année et plus de 28 000 autodidactes au niveau national ont passé ce mardi le concours national leur donnant accès à la première année de l'école post-fondamentale. Des irrégularités ont été observées dans différentes provinces du pays. Certains autodidactes ne s'étant pas retrouvés sur la liste, vous l'entendrez dans ce journal. Les commerçants ambulants du centre-ville de Bujumbura se disent satisfaits de l'instauration de leur identification pour le bon déroulement de leurs activités car les policiers qui leur couraient derrière sont des bons amis aujourd'hui. Certains des vendeurs du marché Bujumbura City Market n'ont pas ouvert leur magasin ce mardi. Ils contestent le paiement des frais pour l'espace se trouvant devant leur magasin. Et dans la chronique santé de ce mardi, l'on vous parlera de la lèpre, une maladie infectieuse et contagieuse. Emma Toussaint Mitebutia sur la mise en onde. Rebonjour et bienvenue. Plus de 144 000 élèves, dont 1115 réguliers de 9e année et 28 802 autodidactes ont passé le concours national depuis ce mardi matin au niveau national. Le lancement officiel de cet examen par le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a eu lieu au lycée communal de Buringa dans la province de Bubanza. Spes Caritas Kabayana, reportage. Le lancement officiel du concours national édition 2017 a eu lieu au lycée communal de Buringa, c'est en commune Gihanga de la province de Bubanza ce mardi matin. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué que toute école qui n'aura pas 30% à cet examen sera sanctionnée. La mesure est toujours en vigueur parce que nous avons constaté que dans beaucoup d'écoles, et les enseignants et les responsables ne sont pas à l'heure. Il y a ceux qui arrivent à leur milieu de travail, à leur service, au-delà de 8 heures, au-delà de 9h, finalement, est-ce qu'ils vont enseigner? Surtout que le temps scolaire est compté. Donc, le temps scolaire est connu. Donc, si vous arrivez à 9h, c'est-à-dire que vous avez 2h30 que vous ne pouvez pas enseigner. Donc, le rendement ne peut pas être meilleur. La mesure est en vigueur. Pour les écoles publiques, ce sont les directeurs qui seront suspendus dans leurs fonctions. Et pour les écoles privées, elles seront fermées et supprimées sur la liste des écoles du pays. Ici, Janvier Ndiraïcha commence à déplorer comment certains élèves sont arrivés en retard. Il y en a même qui ont été obligés de rebrousser chemin et l'année scolaire a été annulée pour eux au lycée communal de Buringa. Ici, à l'école fondamentale, au lycée Buringa, je ne suis pas du tout satisfaite, d'autant plus que je ne sais pas si ce sont les élèves, finalement, tout le monde, qui ne sait pas que le travail ou les cours commencent à 7h30. Donc, l'appel, normalement, si jamais les questionnaires ou les copies des concours sont arrivées à l'heure, ils devaient commencer l'appel à 7h30. Le directeur provincial de l'enseignement à Bubanza, quant à lui, a affirmé qu'il s'est déjà préparé à mettre en application la mesure du ministre pour les écoles qui n'auront pas au moins 30%. Nous avons constaté que certaines écoles, et surtout privées, érigent les écoles comme source de financement pour collecter de l'argent sans toutefois penser au niveau de la qualité de l'enseignement, des apprentissages. Raison pour laquelle la mesure est salutaire, nous saluons très positivement la mesure. À l'endroit des écoles publiques, c'est la même chose, nous sommes prêts. L'école qui n'aura pas 30% au niveau du concours national, surtout les examens nationaux, nous sommes prêts. Au niveau national, les candidats au concours national sont au nombre de 144 795 élèves, 115 993 régulièrement inscrits en 9e année et 28 802 autodidactes selon le porte-parole du ministère de l'Éducation. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci à Space Caritas Kabanyana pour ce reportage. Et quittons Boubanza pour Gitega, où le concours national édition 2016-2017 donnant accès à la première année post-fondamentale a débuté avec un retard dans différents centres de passation prévus dans certaines écoles de la ville de Gitega. Le motif est que le premier jour, l'appel des candidatures et l'octroi des numéros prennent beaucoup de temps, n'est-ce pas, Arthur Kababouchi? Dans la province de Gitega, cette épreuve nationale a débuté avec un retard dans les centres de passation de la ville de Gitega. Selon différents présidents des centres de passation que nous avons visités, le premier jour, le retard est dû à l'appel et à l'octroi des numéros aux candidats, ainsi que l'explication des règles qui régissent cet examen national. S'agissant des règles, se trouvant dans un communiqué du ministre que le responsable du centre de passation de Moussizira a lu, c'est que la ministre de l'Éducation exhorte les surveillants à faire leur travail avec un esprit patriotique, tout en leur indiquant que si l'un d'entre eux facilite la tricherie, il s'expose aux sanctions disciplinaires allant jusqu'à la révocation. Aux élèves, la ministre souligne que toute tricherie dans une épreuve entraîne l'annulation de l'année au fautif. Les informations qu'on a reçues à ce centre de Moussinzira 1, c'est qu'il a été créé hier en remplacement du lycée Moussinzira, car ce lycée a été le théâtre d'affrontements entre les élèves de ce lycée et ceux de Guichouvi l'année passée lors de la passation de l'examen d'État où les élèves du lycée Moussinzira ont interdit ceux de Guichouvi d'accéder au réfectoire. Au lycée Notre-Dame de la Sagesse, où il y a des élèves malvoyants et malentendants, un temps supplémentaire de 30 minutes leur sera accordé dans chaque épreuve. Sachez que dans la province scolaire de Gitega, 14 226 candidats sont attendus et parmi eux, 12 091 régulièrement inscrits et en 9e, 2131 autodidactes et que 124 centres de passation sont prévus. Arthur Kazabouchi, Gitega, Radio Isanganiro. De Gitega, rendons-nous au nord du pays, dans la province de Muyinga précisément, où 111 élèves qui ont fait la 10e année dans l'ancien système passent le concours national. Les préparatifs n'ont pas été faciles pour cette catégorie d'autodidactes qui tentent leur dernière chance. Tudenezi Imana pour les détails. 253 élèves qui ont fait la 10e dans l'ancien système passent le concours national en province Muyinga avec 111 candidats pour la 16e commune de Muyinga. En qualité d'élèves libres, ces élèves se sont préparés à cette épreuve donnant accès à l'enseignement post-fondamental de façon particulière. Sans suivi à la maison pour bon nombre d'entre eux, ils ont eu tout de même droit à des copies d'épreuves type. Certains responsables scolaires reconnaissent que cette catégorie d'élèves qui tente la dernière chance a d'ailleurs été déboussolée auparavant. Jusqu'au début du deuxième trimestre de cette année, certains d'entre eux s'étaient associés aux élèves libres de la 9e nouveau système pour préparer le concours ensemble du fait qu'ils seront d'ailleurs orientés ensemble une fois réussis au concours national. Ce n'est qu'au début du deuxième trimestre qu'ils ont appris qu'ils doivent passer un test sur la matière de l'ancien système. Vous savez qu'à certaines écoles, des cours d'accompagnement ont été particulièrement organisés en faveur de ces élèves qui tentent la dernière chance. C'est notamment au lycée Kivoga ou encore à l'école La Connaissance. Dans toute la province, écoles régulièrement inscrites en 9e, élèves libres de l'ancien système et nouveau système, totalisent l'effectif de 5883 candidats concernés par le concours national édition 2016-2017. Dieudonné Nzeimana, Dominga pour la radio Isanganiro. Merci à Dieudonné Nzeimana. Quittons le nord pour le sud du pays où une dizaine d'élèves autodidactes de 10e année n'ont pas pu passer le concours national d'orientation au poste fondamental dans la direction provinciale de Rumonge car ils ne se sont pas retrouvés sur les listes des candidats. Le directeur provincial de l'enseignement à Rumonge le confirme et informe que de tels cas se sont remarqués sur 4 écoles et que malheureusement il n'a pas la compétence de modifier une ordonnance ministérielle. Et pourtant, le lycée communal Tchabara, qui compte à lui seul 10 cas, a transmis la liste à la direction communale de l'enseignement à Rumonge, selon le directeur de cette école. La passation du concours national par les élèves de la 9e année fondamentale s'est déroulée sous haute protection des agents de la police au centre du lycée du lac à Mairie de Bujumbura, où les élèves de l'école Foreyami et le lycée du lac sont en train de passer ce concours. On a commencé avec un léger retard Donatien Ndirutwa, directeur de ce centre, explique que la présence des forces de l'ordre pour assurer la sécurité. Nous avons un effectif de 423 élèves avec 16 absents. Et l'examen a commencé avec un léger retard dû à l'appel que nous avons commencé et qui a duré beaucoup. Nous comptons terminer la première période dans 1h30. À ce centre, combien d'établissements ont envoyé leurs élèves ici? Nous avons deux établissements qui sont représentés ici. Il y a le lycée du lac Tanganyika qui est le centre et l'école fondamentale Foleami. Maintenant, on est en train de faire le cours de mathématiques, le domaine de langue 2, langue 2 qui est constitué par l'anglais et le kirundi. C'est prévu six domaines. Aujourd'hui, nous faisons mathématiques, langue 2. Demain, on va faire les sciences et technologies avec langue 1. Mais après, demain, jeudi, on fera l'entrepreneuriat et les sciences humaines. Combien de temps chaque épreuve dure? Chaque épreuve dure 1h30. Il me semble que le dernier examen dure 1 heure. Je n'ai pas vérifié parce que je n'ai pas l'horaire sur moi, mais le dernier examen dure 1 heure. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a la sécurité qui est renforcée. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Bon, vous savez, l'importance de cet examen est connue de tout le monde. On a voulu que ceux qui font l'examen le fassent en sécurité. Quand il y a les gens de l'ordre ici, c'est pour assurer la sécurité. C'est pour aussi éviter tout dérangement ou toute intrusion de l'extérieur. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Sécurité routière à présent, certains conducteurs des bus avouent qu'ils ignorent le fonctionnement des feux tricolores. C'est au moment où ils sont en train d'être installés à différents endroits de la ville de Bujumbura. Ces chauffeurs s'interrogent aussi si les véhicules de certains cadres qui outrepassent le code de la route vont se conformer à ces signalisations. Le commandant de la police spéciale de roulage informe que l'on est toujours au stade d'essai de ces feux tricolores. Alfred Mousseremo dit qu'ils vont chercher les canaux de sensibilisation sur leur fonctionnement au Benyungur. Certains des conducteurs des bus reconnaissent qu'ils ne savaient rien du fonctionnement des feux tricolores, dits feux rouges. Même si on a appris le code de la route, on n'a pas pu pratiquer. On a seulement appris la théorie. D'autres s'interrogent si tous les usagers des voies publiques dont les convois des dignitaires vont se conformer à ces signalisations. Je m'interroge si les véhicules de certains cadres qui passent dans tous les sens vont respecter la signalisation des feux tricolores. Et notre conducteur de bus en appelle à la responsabilité de l'État pour conscientiser la population sur les avantages de ces signaux. C'est une perte énorme pour le pays lorsqu'ils sont endommagés, estime-t-il. C'est une perte énorme pour le pays lorsque ces appareils sont endommagés. Que le gouvernement prenne des stratégies pour les protéger. Le commandant de la police spéciale de roulage indique que ces installations actuelles sont à la phase d'essai. Alfredi Mousseremo dit que la police de roulage va vulgariser l'usage de ces feux tricolores le moment venu. Nous profitons de cette occasion pour informer que ces feux tricolores sont dans leur phase d'installation. C'est pourquoi vous remarquez que là où il y a ces feux tricolores, il y a des personnes qui ne savent pas encore comment faire pour respecter ces feux. En ce qui nous concerne au niveau de la police, nous on va intensifier des formations, intensifier la vulgarisation de l'usage de ces feux tricolores. On a remarqué qu'il y a des gens qui n'ont plus le rappel de ces fonctionnalités. Quant à l'alimentation en énergie de ces feux tricolores et leur sécurisation, le commandant de la PCR dit que le ministère du Transport, qui supervise ces travaux d'installation, pourra donner des éclaircissements. Merci à Aubin Niyonguru. Arrestation hier soir d'une dizaine de personnes d'Ogisissier en commune et Matana dans la province de Burundi. La police les accuse d'avoir soutenu un mariage illégal et leur famille dénonce les mauvaises conditions de détention, n'est-ce pas, Jean-Pierre Messago? C'est après des échauffourées consécutives à l'expulsion forcée de la maison familiale d'un foyer qui venait d'être fondé irrégulièrement sur cette colline d'Ogisissier que ces arrestations sont intervenues. Un jeune homme et une fille qui lui venaient de marier dans la maison familiale, dans l'illégalité, ont été les premiers à être arrêtés, puis conduits au cachot de la police de Matana, sur demande de l'administrateur communal. Dans la suite, sept autres personnes, parmi lesquelles un élu collinaire et oncle paternel du jeune homme, les ont rejoints au cachot vers 18h de ce lundi. Certains de leur famille expliquent qu'ils voulaient plaider pour ce jeune couple afin qu'on leur laisse louer une autre maison et régulariser leur mariage après. Au niveau de la police à Matana, l'on informe que les 7 personnes arrêtées comptent parmi un groupe de 25 personnes qui sont venues assiéger le poste de police de Matana pour forcer la libération de ce couple arrêté. Un comportement jugé par la police d'ingérence dans les affaires policières et qui doit être stoppé car il devrait plutôt s'adresser à l'administrateur communal qui avait ordonné l'arrestation de son couple. Agathe Nduimana, administrateur communal de Matana, explique que son foyer irrégulièrement fondé a été arrêté pour sauvegarder la sécurité qui est perturbée quand un jeune homme décide de se marier sans maison, comme cela était d'ailleurs le cas. Jean-Pierre Misago de Kibururi, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago. Certains vendeurs du marché Bujumbura City Market, communément appelé chez Sion, ont fermé leur stand, leur magasin plutôt ce mardi. Ils s'insurgent contre le paiement des frais pour l'espace se trouvant devant leur magasin. Le commissaire chargé de la gestion de ce marché indique quant à lui que cette mesure de paiement de frais est mise en exécution parce qu'il y a des vendeurs qui se sont donné le droit d'exploiter des espaces en dehors de leur magasin. Les commerçants ambulants du centre-ville de Bujumbura, majorité hommes, saluent l'instauration de leur identification pour le bon déroulement de leurs activités. Ils témoignent que ceux qui couraient derrière eux sont devenus amis, ce qui est contraire dans le camp de certains commerçants ambulants du côté femmes. Ces derniers déplorent qu'à plus d'une semaine de leur inscription qui leur ont coûté plus de 20 000 francs bouts, ils n'ont pas encore eu leurs uniformes et demandent que la confection de leur gilet soit accélérée pour quitter le commerce clandestin. Et la régie des eaux demande à ses affiliés des quartiers Guiusha, Gasegni, Muriaga et Tcharama de prendre leurs dispositions suite aux travaux d'urgence qu'elle est dans l'obligation de faire sur les conduits et les alimentant en eau potable. La fourniture de ce produit va être interrompue ce mercredi le 21 juin 2017 de 8h à 18h. Radio Isanganiro Chronique. Je vous le disais en titre, la chronique santé de ce mardi nous parle de la lèpre, une maladie infectieuse contagieuse. Le directeur du programme national intégré lèpre et tuberculose fait savoir que la maladie connaît près de 500 nouveaux cas au Burundi. Docteur Tadde Ndikumana indique toutefois que la lèpre est guérissable. Le danger étant que la période d'incubation peut aller jusqu'à 5 ans. Les détails avec Francine Ndokougaï. La lèpre est une maladie ancienne, mais qui n'a toujours pas disparu dans certains pays, y compris le Burundi. Il s'agit d'une maladie infectieuse et contagieuse dont les symptômes majeurs sont des taches indolores et insensibles, selon le docteur Tadde Ndikumana, directeur du programme national intégré lèpre et tuberculose. C'est une maladie infectieuse, contagieuse, qui est causée par le bacille de Hansen ou le mycobacterium lépreux en français. C'est une maladie vieille, vous le savez, même avant Seigneur Jésus-Christ, c'est une maladie infectieuse. Et les symptômes majeurs, ce sont des taches et indolores insensibles qui apparaissent sur le visage ou aussi toute autre partie du corps humain. Et quand les bacilles d'Hansen se développent au niveau de l'organisme, ils vont coloniser les nerfs. Donc, ils attaquent le système nerveux périphérique. Ce sont les nerfs sensibles et moteurs. Alors, c'est ce qui fait que même quand quelqu'un a une tache, cette tache est indolore. Il ne se gratte pas. Ce qui est différent des autres pathologies dermatologiques, notamment la gale ou les mycoses. Faute de traitement, la lèpre peut entraîner de graves complications de certaines parties du corps, comme la peau, les nerfs et les yeux. Les complications se présentent sous forme de plaies indolores qui surviennent au niveau des orteils et surtout au niveau du pied. Et malheureusement, cette plaie, quelqu'un peut marcher pendant longtemps, même s'il piétine une braise, il ne se sent pas mal. Donc, c'est une plaie très infectée, ce qui fait qu'après quelques temps, il peut même perdre les orteils sans s'en rendre compte. Mais aussi, ces mycobactérium lépreux vont coloniser le système nerveux à travers le système lymphatique. Et du coup, on va observer des signes neurologiques, notamment les griffes, mais aussi au niveau des yeux. Quelqu'un ne peut pas même fermer l'œil, même pendant la nuit, l'œil ne peut pas se fermer. Et il y a des microbes qui vont entrer et ça va provoquer une nécessité. Il y a aussi des tuméfactions neurologiques au niveau des genoux. Malheureusement, pendant les diagnostics, on trouve qu'il y a cette constatation tardive. Les gens s'autodiscriminent. Vous le savez, il y a même qui confondent en disant que ce sont des familles de lépreux. Normalement, la transmission n'est pas congénitale, donc il n'y a pas une famille lépreuse. C'est plutôt le seuil d'incubation qui dure longtemps. Si quelqu'un est contaminé aujourd'hui, on peut découvrir la première tache après 5 à 10 ans. Le docteur Tadé Ndikumana indique qu'au Burundi, les populations les plus touchées par la maladie sont celles des provinces frontalières de la Tanzanie et de la RDC. Cette maladie existe surtout au niveau des provinces limitrophes de la RDC et de la Tanzanie parce que ici dans notre pays, nous avons déjà atteint le seuil d'élimination qui est inférieur à 1 malade sur 10 000 habitants. Mais compte tenu de la perméabilité des frontières, vous le savez, il y a longtemps, il y avait beaucoup de réfugiés burundais en Tanzanie et en RDC. Et on trouve que la plupart de ces rapatriés, on trouve beaucoup de cas de lèpre. C'est comme ça que cette maladie se localise dans les provinces de Cibitoke, Bubanza, Bujumbura, Rumonge, Makamba et Rutana, même à Ruyigi et à Cankuzo. 500 nouveaux cas de lèpre sont enregistrés chaque année au Burundi. Mais le directeur du programme national intégré lèpre et tuberculose rassure que la maladie peut guérir et que le traitement à un stade précoce permet d'éviter les incapacités. Il nous en parlera dans notre prochaine chronique santé. À 13h21 dans le studio de la radio Isanganiro. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Aimé Toussaint Mitebouti pour sa parfaite collaboration technique à la présentation de ce journal. Et vous étiez avec Evariste Ndikubananga. Passez un bon après-midi avec les émissions de la radio Isanganiro.